Esses galãs j'ai l'impression que mon ordi bug. Yo. Ok. J'espère réveil, sérieux c'est fou, les bons les faux. Je bouge pas le temps pour bouffer, boire un café, je fous les bouchées doublées. Tous les jours les fous, les fours, des oulets, tous les sous, mes trous, mes boulettes, prouve. J'suis calme et doux, mais bourré de fou. Je vis à la cool, mais ne fais que stresser. Plus 12, me la coule, plus de retard je dois encaisser. Pendant que je roule, ben la vaisselle s'emplace. Et même quand j'ai full time, je finis toujours pressé. Pas temps de respirer, il me faut des clopes et ça va fermer. En rentrant, je finis mon 16 et ça va faire mal. L'horloge est forme, elle va falloir faire vite et fort. Mais je fais très bien qu'elle fait peut-être de voir comme 6 dans le format, mais vite fait. Sinon après, je vais encore courir. Pourtant, j'ai pas de tard, pas de meuf ni d'animal à nourrir. En plein rush, de la naissance au dernier soupir avant de mourir. Faut lever le pouce en l'air et sourire.